présence invisible, sans un regard du monde visible. J'ai la confiance de l'ombre, de ses formes fuyantes, entre réel et son. Une veille incertaine, sans une parole qui me parvienne.